Contre les menées d'hostilité américaine envers la Corée, le Comité péruvien pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée et le secrétaire international de l'Union des femmes populaires du Pérou ont publié les 14 et 11 les déclarations et entretiens.